Juste avant la pause pub, nous avons entendu deux pièces tirées du nouvel album de la formation canadienne Black Mountain, intitulé Four, qui est paru le 1er avril dernier. Nous avons entendu Florian Saucer Attack, qui s'était précédé de la pièce Mothers of the Sun, qui ouvre le disque. Un bon disque de Black Mountain. 13h31, vous êtes à l'émission Rock Classique, en compagnie d'Alain Lefebvre. En solo cette semaine, et en fait pour tout le mois de décembre, le docteur est absent, mais il m'a appelé pendant le bloc musical pour me préciser qu'il est aux États-Unis. Et oui, pour négocier avec un grossiste en cercueil dans le Midwest, parce que c'est ce qu'il a l'intention d'offrir à ses amis à Noël, des cercueils. Hein? Quel être étrange, hein? Donc, il va être seulement de retour en janvier, semble-t-il. Aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective rock classique, comme ça tout seul, la rétrospective de l'année 2016, et nous traitons des mois de janvier à avril. Je vous parle maintenant d'un autre groupe canadien, pas mal moins connu que Black Mountain. Il s'agit de Rainbow Patrol, qui ont sorti un premier maxi. C'est paru le 1er avril, intitulé Spectrum. Ils sont originaires de Lethbridge, en Alberta. C'est un quatuor qui est constitué de Travis Arnold Doosan, chanteur et batteur, guitariste Chris Arnold Doosan, son frère, hein. Un autre guitariste du nom de Joel Sinsensis, et du bassiste et claviériste Richard Charlton. Ils décrivent leur musique comme un mélange de Desert Haze, Nightmarish, Psychedelia and Ass-Shaking Boogie. Hein? On pourrait traduire ça comme un mélange de brume du désert, de psychédélisme, de cauchemar et de boogie d'enfer. Pour ne pas être vulgaire. Question de vous en faire une idée de leur musique, je vous propose d'aller en écouter un morceau qui s'intitule Descending Dunes. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou, 89.1 FM. La formation canadienne Rainbow Patrol avec la pièce de Sanding Dunes qui ouvre leur mini-album Spectrum qui est paru le 1er avril dernier et que j'ai trouvé remarquable. Ben, c'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment très bien pour cette formation de Lethbridge en Alberta. Est-ce qu'ils vont continuer? J'en sais rien, mais c'est intéressant. Et puis, peut-être qu'un jour, quelqu'un qui fera une chronique sur les groupes obscurs dans 20 ans ou dans 30 ans va parler de Rainbow Patrol. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre. Et cette semaine, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Je vous parle maintenant du nouvel album de la formation Birth of Joy qui est paru au printemps, formation des Pays-Bas qui donne comme ça dans l'Europe psychédélique moderne. On dit moderne, mais leurs influences musicales sont clairement enracinées dans les années 60 et 70. Ils mélangent le stoner, le punk, le rock progressif. L'album est sorti dans une pochette épouvantablement laide. Sérieux, c'est répugnant comme pochette. Mais question de vous donner une idée de leur musique qui est très intéressante. Je vous propose d'aller en écouter un morceau. La pièce Blisters qui ouvre ce disque qui, en passant, s'intitule Get Well. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. I'm gonna drop it in. Les Néerlandais de Birth of Joy avec la pièce Blisters qui ouvre leur nouvel album Get Well qui est paru au printemps dernier. C'est un bon album qui vaut le détour, je trouve. Il faut vraiment pas se laisser berner par la pochette. La pochette est affreuse. On dirait qu'elle a été réalisée par un enfant de 6 ans très peu talentueux. Là. C'est épouvantable, sérieusement. Là. Difficile de penser qu'on peut vendre des disques lorsqu'on présente ça dans quelque chose d'aussi laid. Mais la musique est pas si mal. On va revenir au Canada avec une formation canadienne, une formation de Toronto, Blood Ceremony, qui donne dans le rock occulte, hein, le Evil Rock. Ils sont dans la même mouvance que Ghost, le premier Person ou Ancient Wisdom. Donc, ils ont sorti le 1er avril leur quatrième album intitulé Lord of Misrule. Pour ceux qui les connaissent n'ont pas été déstabilisés par ce disque parce que il poursuit tout à fait dans la même veine que les trois précédents, c'est-à-dire hard rock aux limites du progressif, fortement marqué par Jethro Tull de la période des albums Benefit et Aqualung. Évidemment, bon, le point faible, c'est la chanteuse, là, Aliyah Bryan, O'Brien plutôt. C'est pas une grande voix, c'est plutôt le contraire. C'est le point faible, mais sa contribution à l'orgue et à la flûte sont appréciables et c'est la solidité des musiciens derrière elle qui rend les choses un peu plus intéressantes. Alors, question de vous en donner une idée de ce disque, je vous propose d'aller écouter la pièce qui ouvre l'album The Devil's Widow. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières, cherchez pas ailleurs, nous sommes les seuls assez fous pour diffuser du rock. les Torontois Blood Ceremony avec la pièce The Devil's Widow qui ouvre leur dernier album Lord of Smith's Rule qui est paru le 1er avril dernier. 13h53, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre et cette semaine, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Vous savez, c'est pas tout ce qui est sorti en 2016 qui est bon. Il y a eu beaucoup de déceptions, dont entre autres le nouvel album de Person qui est paru le 29 avril. Décevant d'autant plus que ça a pris tellement de temps avant qu'ils sortent, là, 3 ans. Entre la parution de leur premier The Circle and the Blue Door qui avait été un de mes albums préférés de 2013 que j'avais beaucoup beaucoup aimé et celui-ci bon faut dire qu'entre-temps il avait fait paraître un très bon maxi l'année précédente je pense que c'était au début de 2015 In the Meantime ils ont tourné aussi en première partie de Ghost mais je l'attendais depuis longtemps cet album et très belle présentation hein, très belle pochette vraiment magnifique pochette mais musique qui m'a déçu. Ça a beaucoup emballé certains journalistes de la presse spécialisés et qui ont donné de très fortes cotes à ce disque. Mais moi, j'ai pas tellement apprécié. C'est un album beaucoup moins hard rock que ne l'était le premier, avec un petit côté glam qu'il n'y avait pas auparavant. En fait, je dirais que c'est un album quasiment de folk rock. Question de vous en donner une idée, c'est pas mauvais non plus, mais ça m'a déçu. Je vous propose d'écouter 2 pièces qui sont peut-être les meilleures de l'album. Desire's Magic Theater, en commençant par la pièce titre, vous êtes sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. Yeah. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Formation Les Persons avec deux morceaux tirés de leur dernier album Desires Magic Theater qui est paru le 29 avril dernier. Nous venons d'entendre Electric Landlady qui, c'est la meilleure de l'album, je pense. C'est la première pièce qui est sortie en extrait à l'automne 2015. Il avait joué en première partie du concert de Ghost. Je l'avais diffusé ici à l'émission deux fois l'automne dernier. Malheureusement, c'est ça. Comme premier extrait, j'étais enchanté. Je me disais, si le reste de l'album est comme ça, ça va être merveilleux. Non, ça n'a pas été le cas. Nous avons entendu juste avant ça Desires Magic Theater, la pièce titre qui ouvre l'album. C'est pas mauvais, là. Mais pour un amateur de rock, non, je le conseille pas. Et c'est dommage parce que c'était un groupe qui était tellement prometteur à ses débuts. Person. J'espère qu'ils vont se réajuster comme ça. Pour leur troisième album qui paraîtra sans doute un jour. Hein? Ça lui prend tellement de temps à faire quelque chose. Person. Le 29 avril paraissait aussi un album d'une formation australienne très, très atypique et, je dirais, singulière. King Gizzard and the Lizard Wizard. Eux, ils sont très, très, très productifs. C'est le contraire de Person. Là, ils sortent plusieurs albums par année. Et puis, c'est vraiment très, très, très éclaté. C'est complètement capoté. C'est marteau comme musique. C'est très psychédélique. Je vous propose d'aller écouter une pièce tirée de leur nouvel album, Non Gone Infinity. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, Radio Audacieuse, c'est fou, 89.1 FM. King Gizzard and the Lizard Wizard. Et la pièce People's Vultures. People Vultures, plutôt. Qui était le premier extrait, de leur tout nouvel album, Nonagon Infinity, qui est paru le 29 avril. Ils sont tellement productifs et ils sont de veille d'en sortir un autre, j'en suis sûr. C'est un album qui est sur lequel on trouve 9 pièces, mais elles se sautent toutes l'une à l'autre. Alors, on a l'impression que c'est une longue pièce continue avec plusieurs mouvements, une longue pièce progressive, pas mal capotée. C'est très, très marteau, King Gizzard and the Lizard Wizard. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre, et aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Je vous parle maintenant d'un album des Scandinaves Spiritual Beggars intitulé Sunrise to Sundown. C'est leur 9e. Il est paru le 1er avril. C'est le groupe, c'est un projet musical du guitariste Mike Amoth de Arch Enemy et de l'ancien clavieriste d'Opeth, Per Weiberg, Spiritual Beggars. Mais c'est quand même un projet sérieux parce qu'il fonctionne sporadiquement depuis 20 ans. Mike les réanime, je dirais, quand il fait une pause avec Arch Enemy. D'ailleurs, en passant, le bassiste d'Arch Enemy, Charlie D'Angelo, fait aussi partie de Spiritual Beggars, qui font dans le hard rock traditionnel des années 70, dans la mouvance de Uriah Heep, Deep Purple, Black Sabbath ou Rainbow. Mike Amott, comme ça, s'amuse à faire du rock des années 70. Il prend une pause, disons, du death metal mélodique qu'il fait avec Arch Enemy. Moi, j'ai bien aimé cet album. C'est pas une merveille, mais c'est un bon album agréable. Je vous propose d'en écouter 2 pièces tout de suite. Vous êtes là où il y a du vrai rock, hein? Ici même. C'est fou, hein? Nous sommes les seuls. C'est fou pour le faire, hein? C'est pas? J'irais mieux avec un peu de volume, ça ici. Voilà. Spiritual Beggars, le projet du guitariste d'Arch Enemy, hein? Vous êtes assez fous, hein? Vraiment, ça. J'espère. Let them play their Dimension Rock Classique jusqu'à 17h. Scandinaves, Spiritual Beggars, avec deux pièces tirées de leur nouvel album qui est paru le 1er avril dernier, soit Sunrise to Sundown. Nous venons d'entendre Diamond Under Pressure, hein, qui faisait vraiment très Whitesnake des débuts. C'était précédé de la pièce titre Sunrise to Sundown. C'est un bon album, c'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment sympathique et ça s'écoute de façon très agréable, je dirais. Vous êtes à l'émission Rock Classic et aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Vous savez, le 1er avril dernier marquait le 40e anniversaire de la sortie de l'album 2112 de Rush, ce classique de 1967, classique du rock progressif. Rush n'ont absolument rien fait à ce moment-là pour souligner la chose, mais ils vont sortir le 9 décembre prochain une édition de luxe 40e anniversaire sur laquelle on retrouve des nouveaux enregistrements par, ce sont des relectures par des musiciens, des groupes connus de classiques de cet album de 2112. On y retrouve entre autres Dave Grohl qui fait une version instrumentale avec des gars de Foo Fighters d'une portion de la pièce 2112. On retrouve aussi Alice in Chains avec une très belle relecture de Tears qu'on va entendre dans un moment. Mais tout de suite, on écoute la reprise de Passage to Bangkok. Et là, c'est surprenant. C'est Billy Talent qui l'a fait. J'aurais jamais cru qu'un jour, je serais joué du Billy Talent à Rock Classic. Mais c'est vraiment réussi comme reprise de Passage to Bangkok. Donc, on écoute tout de suite. Vous êtes sur les ondes de C'est fou. 17h. So long. Alice in Chains avec leur relecture de Tears de Rush qu'on retrouve sur l'édition de luxe 40e anniversaire de l'album 2112 qui sort la semaine prochaine, le 9 décembre. C'est vraiment très bon, cette relecture d'Alice in Chains. Tout comme ce qu'on a entendu juste avant, soit la reprise de Passage to Bangkok de Billy Talent. Et oui, Billy Talent, qui aurait cru qu'un jour j'allais faire jouer du Billy Talent à rock classique. Moi, personnellement, Billy Talent, j'ai toujours trouvé que c'était un peu du rock de fillette. Mais là, c'est vraiment une très bonne reprise qu'ils ont fait de Passage to Bangkok. J'aurais jamais cru que ces gars-là connaissaient Rush. C'est incroyable. Là. Chapeau. Il y a une auditrice qui m'a appelé d'ailleurs pour me dire qu'elle avait beaucoup apprécié cette pièce, cette reprise de Passage to Bangkok. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre et aujourd'hui, je vous présente la rétrospective rock de l'année 2016. Côté spectacle, cette année, c'est probablement l'année où je suis allé en voir le moins depuis des décennies. J'ai toujours été voir au moins 50, 60 groupes par année. Là, j'ai été en voir très peu de concerts, tout simplement parce qu'il y a rien qui m'allumait cette année, à peu près rien. Je suis même pas allé au Heavy Montreal parce que je trouvais l'affiche aberrante. Un des concerts que j'ai manqué, mais qui était un événement, c'est celui de Black Sabbath, hein, le dernier que le groupe a donné au Centre Bell à Montréal le 23 février. Je suis pas allé tout simplement parce que je fais pas confiance à Ozzy Osbourne et puis je les avais vus il y a 2 ans, Sabbath, à Québec. Ils avaient donné un concert vraiment extraordinaire et je préférais rester sur ce bon souvenir que de voir ça massacré par Ozzy qui est très qui est pas constant, disons, en spectacle. Mais j'ai eu tort, semble-t-il, parce que le docteur, lui, est allé et m'a dit que ça avait vraiment été, encore une fois, très bon. Alors, miraculeux, Black Sabbath a donné 2 bons concerts de fil au Québec. Donc, c'était le 23 février et dans le cadre de cette tournée d'adieu du groupe, ils ont mis en vente un maxi. Bon, c'est tout un maxi, par exemple, parce qu'il dure quand même assez longtemps. C'est un maxi qui s'intitule « The End », qui était pas donné, d'ailleurs. Hein, il était très, très, très cher. On vendait ça en CD, là, je pense, une 40 ou 50 de dollars que le docteur m'a dit. Mais on retrouve des bonnes choses sur ce maxi, qui est un peu le chant du cygne, parce qu'il y aura pas d'autre album de Sabbath. Hein. Le dernier, c'était « 13 ». Et ce maxi, The End. Alors, je vous propose d'aller en écouter une pièce, Season of the Dead. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. We'll be right back. êtes dans la zone 89.1. C'est fou! Fier partenaire de la radio Cifou 89.1 FM, la microbrasserie Le Trou du Diable de Shawinigan propose une boutique de trouvailles. Tu recherches des produits à l'image du Trou du Diable ou des trésors d'artisans locaux? Pour connaître l'horaire de la boutique du Trou du Diable, visite letroududiable.com. Au Trou du Diable, on élève la bière, on cultive de la levure et on produit de la culture. Parlons sexe. Parlons sexe. C'est fou le sexe. Ah! C'est fou le sexe, tous les lundis à C'est fou 89.1 FM. Paraît qu'il y a autre chose à faire qu'écouter nostalgiquement l'hymne national soviétique en attendant grand soir ou que le PQ redevienne un parti de gauche. Ah ouais, comme quoi? Comme écouter La sortie de secours est à votre gauche les lundis 11h sur les ondes de C'est fou 89.1. Juste avant la pause pub, nous avons entendu Black Sabbath avec la pièce Season of the Dead tirée de leur maxi qui est un chant du cygne. The End qui est paru au début de l'année. Ben, en fait, on l'a mis en vente uniquement lors des concerts du groupe, lors de la tournée d'adieu qui s'est déroulée un peu plus tôt cette année. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre, et cette semaine, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Concert qui m'a marqué et qui m'a vraiment ébloui, c'est celui d'Iron Maiden, celui qu'ils ont donné le 1er avril au Centre Bell. Vraiment, un concert fantastique. Ben, je te parlais tout à l'heure de Black Sabbath, que je n'étais pas allé parce que Ozzy, vraiment, c'est quelqu'un qui est capable du meilleur comme du pire. Il m'a tellement épaté à Québec, j'aurais jamais cru que ce gars-là pouvait donner un bon spectacle. J'avais peur que ce soit pas le cas à Montréal, c'est pourquoi je n'y ai pas été. Mais dans le cas d'Iron Maiden, c'est le contraire d'Ozzy. Eux, on peut être sûr que ça va toujours être bon et c'est quasiment miraculeux lorsqu'on pense que Bruce Dickinson relevait d'un cancer lorsqu'il a entrepris la tournée. Ben, ça paraissait pas du tout aux Centre Bell le 1er avril. Il était dans une forme éblouissante, voix absolument fantastique. Alors, j'ai choisi de vous présenter une pièce tirée de leur dernier album, The Book of Souls, qui est paru à l'automne 2015. Pièce qui, pour moi, a été vraiment le point d'orgue, je dirais, du concert du 1er avril dans un Centre Bell archi plein. Hein. C'était complet, c'était pacté. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ils affichaient sold out alors qu'aucun média majeur de Montréal n'en a parlé. C'est vraiment cool. Ils réussissent à remplir le Centre Bell full, pacté jusqu'au plafond, sans même que personne dans aucun journal de la métropole en ait parlé ou aucun média, la télé, la radio. Fantastique. Hein? Donc, on écoute la pièce The Red and the Black. Vous êtes assez fous. We'll be right back. Iron Maiden avec la longue et excellente pièce The Red and the Black tirée de leur album The Book of Souls qui est paru à l'automne 2015. Pour moi, ça a été le point d'orgue de leur concert du 1er avril dernier au Centre Bell. Ils sont toujours excellents en spectacle, Iron Maiden. Le temps passe, mais ils restent toujours fantastiques sur scène, ils n'en perdent pas. Et Bruce Dickinson est extraordinaire, il se relevait d'un cancer, ça ne paraissait pas du tout. Bruce Dickinson, c'est tout simplement un des meilleurs frontmen de toute l'histoire du rock, aussi bon que peuvent l'être Mick Jagger ou Steven Tyler dans leurs meilleurs soirs. Iron Maiden et Bruce Dickinson, vraiment valeur sûre lorsqu'on veut aller voir un concert. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre. Cette semaine, je vous présente la première partie de la rétrospective Rock de 2016. Nous faisons le tour des mois de janvier à avril. Dans un moment, on va entendre la formation de Last in Line ainsi que Anvil tout de suite après cette courte pause publicitaire. Vous êtes assez fou? 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Bonjour, M. Mozart. Chaque samedi matin de 10h à midi sur les ondes de Cifou, c'est le rendez-vous pour entendre de la belle musique classique. Si vous aimez l'opéra, les concertos, c'est Charles Roberge qui vous invite à écouter chaque samedi matin de 10h à midi. Bonjour, M. Mozart. C'est la 20e édition du plus grand concours de band live entre Montréal et Québec. Les mardis de la relève sont de retour. Inscrivez-vous dès maintenant. Vous avez jusqu'au 25 février 2017 pour déposer vos candidatures. Les formulaires d'inscription sont disponibles au Gambrinus et sur le gambrinus.qc.ca. Une présentation du Gambrinus, du Festivois et de Cifou 89 FM. C'est pas assez. Pour savoir ce qui se passe dans le monde de la musique alternative, c'est les palmarès C'est Fou sur C'est Fou 89.1. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. In the name of God, ultimate price and the cause of fraud. So many died for their belief. All the murderous lies and grief, controlling people with the fear of God. Cower before his stuff and rot. Living by the book. Die for lie. formation The Last in Line. Ça, c'est, en fait, The Last in Line, c'était la formation originale qui composait le groupe en solo de Ronnie James Dio dans le temps des deux premiers albums. Donc, Vivian Campbell à la guitare, Jimmy Bain à la basse et Vinnie Peace à la batterie, mais avec un autre chanteur. Ils ont sorti un album le 26 février dernier intitulé Heavy Crown, c'est leur premier. Et on a entendu la pièce Martyr. Ils faisaient partie de la croisière que Def Leppard ont entrepris du 21 au 25 janvier dernier. Croisière, semble-t-il, de l'enfer, là, parce que ça a tellement mal été, là. Tout a mal été, en fait, pendant cette croisière qui... Ça coûtait quand même assez cher, là. Alors, les gens ont été très déçus. D'abord, le chanteur de Def Leppard s'est retrouvé aphone avec une laryngite. La température était, semble-t-il, effroyable. La température digne de la mousson. Et en plus de ça, la cerise sur le sundae. Le bassiste de Last in Line, Jimmy Bain, est décédé pendant la croisière. Il s'est embarqué et il est décédé. Vraiment, c'est un cauchemar, cette croisière. Donc, The Last in Line sort leur premier album, mais avant même que l'album sorte, le bassiste est décédé. Jimmy Bain s'est fait connaître avec Rainbow et par la suite avec Dio. Il a fait une carrière, quand même une longue carrière, décédé d'un cancer. Et juste avant The Last in Line, nous avons entendu Anvil avec une pièce tirée de leur nouvel album qui s'intitule Anvil is Anvil, pas très original. Lui aussi est paru le 26 février. C'était la pièce Die for a Lie, qui est une des bonnes, très bonnes pièces de l'album. Qui, moi, j'aime bien Anvil, là, mais ils m'ont pas du tout allumé avec celui-là. Je l'ai trouvé très ordinaire. Peut-être un petit peu meilleur que The Last in Line, là, mais pas terrible non plus. Je conseille pas. Et c'est malheureux parce qu'Anvil sont très sympathiques et on les aime bien, là, surtout depuis le documentaire là, qui les a ressuscités un peu, mais ben celui-là, en tout cas, pas une réussite. Anvil is Anvil. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre et cette semaine, je vous présente comme ça la rétrospective rock de l'année 2016. Un album autrement plus, je dirais, divertissant que ceux de Anvil et de Last in Line qui est paru le 26 février, c'est celui de Steel Panther. Ben, en fait, il s'agit d'un DVD et CD intitulé Live from Lex's Mom's Garage. Et ben, comme d'habitude, c'est très drôle, c'est très divertissant. C'est Steel Panther, ce sont des humoristes, mais ce sont d'abord des musiciens et très talentueux. Dans le cadre de ce projet Live from Lex's Mom, c'est tout simplement un spectacle où ils offraient des versions acoustiques de leurs pièces connues, mais devant un public exclusivement féminin dans un supposé garage, supposément le garage de la maison de la mère de Lexi, le bassiste. C'est entrecoupé tout ça, ce concert de petits sketchs qui sont souvent très drôles. Évidemment, c'est très vulgaire, c'est pas pour les enfants, là, mais c'est très drôle pour ceux qui apprécient ce genre d'humour. On va aller écouter deux pièces tirées de cet album. On va entendre If You Really, Really Love Me. Bien sûr, la radio edit, tout comme la pièce qu'on écoute tout de suite, Bukkake Tears. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou. Et ça, c'est pour public averti, de spa, hein, même si c'est This radio edit. It's called Bukkake Tears. Too much headroom, so I called. I'm going to start a song, and I want you to follow along. Never done this before. Dude, you're supposed to follow along. I don't know what you're doing, dude. One, two, three, four. Hold on a second, hold on. What? Everything you hear tonight is completely live, unless you're watching this on video, and it's been fixed in the studio. It will be way better when I'm done doing it. Yes, okay. It will. One, two, pay attention to me. I don't need to. I can feel you this close to getting fired 2 minutes ago. Don't make me that. Well, shut up. You shut up. One, two, three, four. If you really, really, really, really love me, then you really, really, really gotta show me. Don't whine when I put it in your booty, or if I'm up and I'm playing Call of Duty. Never ask for me because I'm on in blood. If I sleep all day and don't get annoyed, then I know that you really, really, really, really, really, really, really love me. If you really, really love me, yeah. If you really, truly wanna make me feel nice, make it so I don't ever have to ask twice. Let me have the keys to your Mercedes. Don't get mad when I bring on some ladies. If I get fat, look like a lead, lie to me, tell me I'm a great shape, then I know that you really, really, really, really, really, really love me. If you wanna wanna deal with the red, just consider it money well spent. Pop trucks and an innocent boy, just go tell your dumb landlord that you love me. You really, really love me. If I have sex with your friend Melody, don't act like it's some kind of felony. It's not a cover for this kind of infidelity. It happens to a lot of guys that Tiger Woods with me. Just be happy that I'm hung like a horse, and you get to ride the pony of course. Cause I'm really, really, really, really, really, really, really fond of you too. Sucky girl, all your friends will say lucky girl. Got a man who's like you say. All the girls wanna be with me, cause they love me. They really, really love me. And your dad really hates me. When I try to buy my money, he berates me. Smiling things and I'm too old for you. You're 19 and I'm 52. Can't see that you really, really, really, really, really, really love me. You really, really, really, really, really, really, really, really love me. If you really, really love me. Steel Panther avec leur version concert de If You Really Really Love Me, la version radio edit qu'on retrouve sur leur coffret DVD CD Live from Lexis Mom's Garage qui est paru le 26 février. Et juste avant ça, on a entendu Bukkake Tears, la version radio edit aussi, bien sûr. Vous êtes à l'émission Classique et aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Nous faisons le tour des mois de janvier à avril. Autre nouveauté que j'ai beaucoup aimé, celle-là parue le 15 avril. Il s'agit du nouvel album du guitariste original de Curse, et oui, Ace Frehley. L'album s'intitule Origins Volume 1, album de reprise sur lequel Ace nous présentait comme ça ses les pièces qui l'ont influencé en tant que musicien lors de son développement, lors de sa jeunesse et ses jeunes années. Donc, on va entendre trois morceaux. On va entendre une pièce de Kiss, chantée par Ace. Mais tout de suite, on écoute son excellente relecture d'un classique des Rolling Stones, Street Fighting Man. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou, 89 FM. Here and the time is right for

Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Baby, I feel good from the moment I rise. Feel good from morning till the end of the day. Till the end of the day. Yeah, you and me, we live this life. From when we get up till we go sleep at night. And we were free. We do as we please. Yeah, from morning to the end of the day. To the end of the day. Alright, I get up and I see the sun. And I feel good, yeah, 'cause my life has begun. And we were free. We do as we please. Yeah, from morning to the end of the day. To the end of the day. Really, avec son excellente relecture d'un classique des Kings, Till the End of the Day, qu'on retrouve sur son tout nouvel album Origins Volume 1, qui est paru le 15 avril. Et c'était précédé de Parasite, une pièce de l'époque où il faisait partie de Kiss, bien sûr. Et à l'origine, c'est Gene Simmons qui l'a chanté, cette pièce. Ace voulait pas chanter sur les premiers albums de Kiss. Ça a été seulement à l'album Love Gun où il s'est décidé à le faire avec la pièce Shock Me. Et au début du bloc, nous avons entendu une reprise des Rolling Stones Street Fighting Man. J'ai beaucoup aimé ce disque sur lequel on retrouve plein de cover comme ça, de groupes comme outre les Stones et les Kings, il y a du Jimi Hendrix, Cream, Steppenwolf, Free, les Troggs, Led Zeppelin. Probablement qu'il va en sortir un deuxième puisque celui-là s'appelle Volume 1. Hein? En tout cas, c'est très bon et ça sonne vraiment, vraiment l'enfer. 15h32, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Et cette semaine, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. On fait le tour des mois de janvier à avril. Je disais un peu plus tôt dans l'émission que je n'étais pas allé voir beaucoup de concerts cette année parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'allumait. Mais un spectacle que je regrette d'avoir manqué, c'est celui de Monomarth. Parce qu'ils sont venus comme ça au printemps à Montréal. Et à Monomarth, c'est toujours très bon en concert. C'est la fête. On a le goût de boire de la bière lorsqu'on va voir Monomarth. On s'amuse beaucoup. Et ça donne qu'ils ont sorti un des meilleurs albums de leur carrière le 8 avril dernier. Album concept qui s'intitule « Jums Viking ». D'habitude, quand on dit album concept, là, c'est quelque chose d'ampoulé, un peu plate, et puis prétentieux, mais c'est pas le cas du tout de Jums Viking. C'est tout simplement qu'il y a un fil conducteur entre chaque pièce, entre les textes, entre les paroles de chaque morceau, mais quelqu'un qui s'arrête pas comme ça aux lyrics, ou qui comprend pas l'anglais, se rendra pas compte que c'est un album concept. Vraiment très bon, très inspiré. Il est resté dans le lecteur CD de la voiture de ma blonde pendant genre 6 mois, là, tellement qu'elle l'a aimé, ce disque-là. Alors, je vous présente 3 pièces tirées d'un de ses albums que je considère comme un des meilleurs de l'année.

les très virils Monomarth avec trois pièces tirées de leur excellent nouvel album Jumps Viking qui est paru le 8 avril. Nous venons d'entendre At Dawn's First Light, c'était précédé de First Kill et au début du bloc nous avons entendu The Way of Vikings. Hein? Et 21 jours après la sortie de leur album, ils étaient au Metropolis pour donner un concert qui, encore une fois, semble-t-il, parce que j'y étais pas, mais on m'a dit que ça avait été mémorable encore une fois. J'ai pas de misère à le croire. Ils sont excellents en spectacle. Amon Amarth. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre et je vous rappelle qu'aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective classique de l'année 2016. L'année a très bien commencé, hein, avec deux sorties vraiment fantastiques dans le domaine du métal et plus précisément du métal thrash. Deux formations qui ont produit chacun de leur côté, un des meilleurs albums de leur carrière. Il y a eu Anthrax, mais juste avant ça, le 22 janvier, il y a Megadeth qui ont sorti leur meilleur album depuis des lustres, en fait, je dirais depuis Endgame, qui datait de il y a 7 ans, en 2009, l'album Dystopia, dont je vous propose d'aller tout de suite écouter trois pièces, un groupe vraiment ressuscité, régénéré, suite au départ de leur guitariste et batteur, là, simultanément. Ils ont remplacé par deux virtuoses qui ont vraiment injecté du sang neuf à cette formation qui a vraiment une carrière en dents de scie, hein. Ils peuvent sortir un album fantastique et l'autre d'après va être extrêmement mauvais. C'était le cas de Endgame qui a été suivi de l'album 13. Il était vraiment très mauvais. Alors, on va écouter trois pièces de cet album Dystopia. Vous êtes sur les ondes de C'est fou! We'll be right back. culture made of cover-ups. Will leprosy touch their flesh? For backroom meetings and rendezvous chefs, the vultures have come home to nest. Ow! The clock runs out. The week is late. A deadly strike. The threat is real. A fatal shot. A lust for blood. The final act. The threat is real. Vous êtes dans la dimension rock classique jusqu'à 17h. Dystopia. Dystopia.

L'année 2016 a très bien commencé avec la sortie de cet album de Megadeth le 22 janvier. Dystopia, leur meilleur disque depuis des années, des années. Nous venons d'entendre trois morceaux tirés de cet opus, soit Death From Within, précédé de la pièce titre. Et au début, nous avons entendu The Threat Is Real. Vraiment très, très, très bon. Un album, je m'attendais vraiment pas à ça parce que, bon, ils venaient de se faire larguer par leur guitariste et leur batteur simultanément. Et, Dave Mustaine a eu le flair d'aller chercher deux très bons musiciens qui ont, je dirais, injecté du sang neuf à cette formation qui allait pas bien depuis plusieurs années. Il est allé chercher le batteur de Lamb of God, Chris Adler, qui est un fan aussi de Megadeth, et le guitariste brésilien Kiko Loureiro, qui s'est fait connaître, lui, avec le groupe Angra. J'aurais jamais cru que quelqu'un d'Angra pouvait faire du thrash, du très bon thrash comme ça. Et c'est vraiment un très, très, très bon disque. Seul point faible, je dirais, de l'album, c'est le côté lyrique. Il est pas fameux, là, de Mustaine continue comme ça à nous abreuver de ses visions et opinions politiques et sociales de droite qui sont pas mal simplistes et limitées. Il voit des complots partout. Alors ça, c'est un peu moche là, de sa part. Mais musicalement, c'est très, très fort. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de moi-même, Alain Lefebvre. Et aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective rock de l'année 2016. Nous faisons le tour des mois de janvier à avril. Une autre sortie d'album très, très forte en début de 2016, c'est celle d'un autre membre du Big Four, soit Anthrax, qui ont eux aussi sorti un de leurs meilleurs albums en carrière, For All Kings. Il est paru le 26 février. Album absolument très, très, très inspiré. Je vous propose d'aller en écouter tout de suite trois pièces. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, c'est fou, 89.1 FM. L'album s'intitule For All Kings et ça sonne For All Kings, hein, ça fait Game of Thrones. Dimension Rock Classique jusqu'à 17h. Pour vous, avec vous.

Les New-Yorkais Anthrax avec trois pièces tirées de ce qui est un de leurs meilleurs albums, je trouve, en carrière. For All Kings, qui est paru le 26 février. Nous venons d'entendre mes trois pièces préférées du disque, soit Breathing Fire, c'était précédé de Evil Twin, et au début du bloc que nous avons entendu, You Gotta Believe. C'est sorti le 26 février, je l'ai dit, la même journée que qui est sorti le maxi Post Society de Voivod, hein, ce groupe québécois qui est probablement le plus respecté au monde et le plus connu, je dirais, dans le monde du métal avec celui de Devin Townsend. C'est le premier disque avec le bassiste trifluvien Doom Laroche, hein, dont on y retrouve cinq pièces qui totalise quand même une trentaine de minutes. C'est un album, ça, mais on dit que c'est un maxi. Pour Voivod, en tout cas, c'est un maxi. Et sur ce disque, on retrouve une reprise d'un classique de Hawkwind, Silver Machine. Très bonne idée, parce que ben, ça rend hommage très bien au bassiste de Hawkwind, Lemmy, hein, bassiste aussi de Motörhead, puisque c'est une pièce que Lemmy chantait à l'époque où il faisait partie de Hawkwind. On va donc aller écouter cette excellente reprise. C'est vraiment fantastique. Ça m'a beaucoup surpris. Ben, pas que Voivod ne nous a pas habitués à de l'excellence, mais vraiment chapeau là pour cette reprise de Silver Machine. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou! I'm quelle magnifique relecture de ce classique Dark Wind par Voivod, Silver Machine. On retrouve ça sur leur maxi Post Society qui est paru le 26 février dernier. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre et aujourd'hui, je vous présente la première partie de la rétrospective 2016. Il nous reste peu de temps, alors on va pas le perdre, hein. Je vous parle d'une autre, un autre album qui m'a marqué au début de l'année, que j'ai trouvé excellent. Il s'agit du premier album en solo de l'ancien chanteur-guitariste de la légendaire formation norvégienne de black metal Immortal Abath, album homonyme hein, qui reprenait là un peu où il en était sur le dernier disque qu'il a fait paraître avec Immortal, soit All Shall Fall de 2009, c'est-à-dire de l'excellent black de première classe, du black qui sonne bien, soit le genre de truc que les puristes de black metal détestent, hein, du black metal qui sonne bien. On va y aller avec deux morceaux tirés de ce disque. On va entendre dans un moment Winterbane, hein, tout à fait approprié à ce moment-ci de l'année. Mais tout de suite, on écoute la pièce To War. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule à diffuser du vrai de vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. Rock Classique 89 ans. Power pedals, hey! ça, ça fait vraiment changement de la musique de Noël, hein? C'était un baff avec deux pièces tirées de son premier album solo homonyme paru le 22 janvier dernier. Nous venons d'entendre Winterbane, hein? Ben, c'est hivernal comme thème. Tout comme la pièce qui a précédé To War. J'ai beaucoup aimé ce disque. Il est venu en concert la semaine dernière à Montréal, Bath. Il est en première partie de Children of Bodom. Je n'ai aucune idée si c'était bon. Ça devait être meilleur en tout cas que WV Montreal à l'été 2015, parce que moi j'avais hâte de voir A Bath, mais le son était tellement mauvais, tellement épouvantable. Soundman a vraiment fait une job de merde que je suis parti après quelques pièces. C'était inaudible, malheureusement. C'est dommage parce que Bath, c'est quelqu'un que j'aime bien. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser dans les prochaines semaines, lundi 26 décembre, mon oncle Serge sera au Satire avec Anonymous pour afin de célébrer comme ça les fêtes en enfer. Ça devrait être drôle. Il est toujours drôle, mon oncle Serge. Surtout quand il est avec Anonymous. Le 8 janvier, Udo Dirkschneider jouera du Accept pour la dernière fois, semble-t-il. Ça se passe au Fofone électrique. Et finalement, le 20 janvier, deux concerts simultanément. Il y a Mayhem, Inquisition et Bitch Handle qui seront au Club Soda. Alors que Alceste, The Body et Creepers seront au Fofone électrique. 16h51, l'émission s'achève, c'est déjà tout pour moi, et oui. La semaine prochaine, je vais poursuivre la rétrospective 2016 avec les mois de mai à août, avec les sorties de disques survenant à ce moment-là, les concerts et événements marquants. J'ai pas fini d'évaluer encore combien de temps ça va durer, ça. Alors, je peux pas dire pour le moment si on va débuter encore une fois à 10h ou, comme d'habitude, à 11h. Surveillez la page web de C'est fou afin de savoir si Rock Classique commence à 10h ou 11h. Ça devrait être 11h, là, mais sous toute réserve. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous présenter le deuxième volet consacré aux Norvégiens de Midnight Sun, qui ont fait carrière comme ça au début des années 70. Et je vais vous présenter une autre face complète de deux autres albums vinyles classiques. Je vais vous présenter les disques Fresh Cream, de Cream bien sûr, et A Quick One des Who qui sont sortis il y aura exactement 50 ans, vendredi prochain, le 9 décembre 66. Pour nous rejoindre, le docteur et moi, et oui, vous pouvez le rejoindre, le docteur, même s'il n'est pas là, là, et vous pouvez le faire à l'adresse de courriel rockclassique@hotmail.com. Le docteur m'a parlé vaguement, là, qu'il allait passer des petites vacances à Hawaï, là, prochainement, là. Alors, on est sûr de pas le revoir avant le mois de janvier, le docteur. Et sachez que si vous vous ennuyez de Rock Classic pendant la semaine, toutes les balados de nos émissions sont disponibles au rockclassic.net. Je vous laisse avec une dernière pièce tirée du sixième album du quatuor japonais Church of Misery, intitulé And Then There Were None. Il est paru au printemps dernier. Le doom metal de Church of Misery est extrêmement teinté de psychédélisme, ce qui a tout pour me plaire, bien sûr. C'est un groupe qui existe depuis 95 et ce nouvel opus est sorti sur l'étiquette anglaise indépendante Rise Above le 4 mars. Nous allons entendre la pièce Make Them Die Slowly. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Ça devrait être à 11h pour une autre émission Rock Classique. Salut!